Il y a du Vendéen en tout cas. Il y en a du Piémont, oui, bien sûr, évidemment, ici. Mais bien sûr, mais et oui, et où Scali, mais oh, ouais, ah, on est voisins, hein. La montagne qui tremble, Madame Pyrénées. Oh là là. Veux-tu m'accorder, m'accordez-vous une tome de brevis, une atome. Si vous vouliez m'accorder, si vous vouliez une guimbrée. Saint-Gaudens. C'est rigolo de dire Saint-Gaudens plutôt qu'une Saint-Gaudens. Natif du marais, avec les grenouilles, les ragondins, infiltrés dans tous les canaux. Du marais encore à peine asséché. J'ai migré vers les Pyrénées, la terre promise. Demain sera le paradis. Demain sera la terre promise. Demain, demain, demain, toujours demain. Toujours ailleurs, toujours plus loin. Pression. Saint-Noël de Vienne. Vive le printemps, quand le printemps, quand les fleurs arrivent, détourné par la religion. Par le gouvernement aussi. Nous empêchons de célébrer le printemps. Que si l'on veut oublier le printemps derrière nos écrans de fumée. Incroyable des musiciens. Je te donne rendez-vous. En haut de la montagne, on s'en fout. Parce que tous les ptios qui sont en nous sont encore vivants. All the Russia bastards, yeah. All the Russia bastards, yeah. All the Russia bastards, yeah. Le système, mon frère. All the Russia bastards, yeah. All the Russia bastards, yeah. All the Russia, all the Russia bastards. Don't you think about the Russia bastards? Don't you think the Russia bastards? All the Russia bastards. Bureaucratie parisitaire. J'ai dit parisitaire comme si je mélangeais parasitaire et parisien. Oh, putain, mon inconscient. Someday we will meet, I hope, my friend. Yes, yeah, someday, we'll meet my friend. Un projet, une idée, suffira de créer la situation propice à la réalisation de la connexion. Pourquoi pas donner la voix au peuple même. Aujourd'hui, le peuple, c'est des générations plus ou moins en capacité d'appréhender la catastrophe. Devant la catastrophe, ceux qui s'indignent, ceux qui prennent acte, ceux qui dénoncent devant l'ampleur de la catastrophe, ceux qui s'indignent, ceux qui s'organisent. Devant l'ampleur de la catastrophe, ouais, y a ceux qui s'organisent. Y a ceux qui voient un peu plus loin dans l'amour, et c'est certain. Y a ceux qui voient un peu plus loin comment s'organiser à plusieurs. C'est mal barré quand même. J'ai pas la bonne pelle pour creuser le bunker. Pourtant même pas peur, j'accueille, même pas le budget pour acheter j'accueille, je plante, j'accueille. Pourtant Golfèche, c'est juste assez loin pour que Areva veille sur toi, mon ami. Areva, ce sera pas la fin pour toi si t'es là. Areva veille sur toi, mon ami. En France, tu as le nucléaire, tu es content. Hiver. Inflation pourtant, tu comprends pas pourquoi le coût de l'énergie monte en flèche comme ça, comme l'immobilier. Juste l'eau, y a plus de place pour tout le monde. Y'a plus de place, faut sélectionner. T'as pas de passe, tu passes pas, tu restes là. Ouais, t'es arrivé jusque là, tu passes pas quand même. T'es pas loin, mais tu passes pas quand même. En plus de passes, d'impasses, on est de plus en plus tassés par les normes de cette société. On dérache à bastards, on dérache à bastards. The age. that. Oh, dear Rachel, you're dear part Rachel, of it now. We are part of it now. On occupe le terrain. Part of it now. Un petit cercle. Part of it, you know. You know, you know, you a know. You need a way to forgive yourself. You need a way to. Ceux qui s'organisent. You know, to heal. That we need to heal. That. You know. I'm gonna think you're gonna fuck with you. You're fuck with you. You're fuck with now. You are fuck with. You're not fuck with. You're not and fuck with. We are now. We know that we are weak. Possible, yes, it's possible. Possible, it's possible. Yes, possible, my friend. 5 doigts moi aussi. Donne-moi ta main, camarade. 5 doigts moi aussi. Ok, on stabilise. On peut se croire égaux. Se parler, camarades. Bientôt. C'est génial. Bientôt. Danser, camarades. On pourra se parler, camarades. On pourra s'embrasser, camarades. Toi qui viens d'un pays. où les âmes sont. Donne-moi ta main, camarade, qui vient d'un pays. Les âmes sont, où les âmes sont, où les âmes sont, où les hommes sont rois, à qui même les rois ne peuvent donner loi. Donne-moi ta main, camarade. Où les âmes sont, où les âmes sont, où les âmes sont. Qui ont un empire sur eux-mêmes, les oiseaux, les cascades. Donne-moi ta main, camarade. Les oiseaux, les cascades. Bientôt on pourra s'embrasser.